faisait très bien. Et maintenant, on tape dans ses mains. Chantons-les, nos succès de France, nos mélodies, nos profonds. Aux accents du Nord ou de Provence, quand ils nous invitent à boire un petit coup, qu'il soit temps ou plein d'insolence, on les reprend à l'unisson. Succès de France sur un air d'accordéon. Je cherche fortune tout autour du chat noir et au clair. Petits et grands en même temps, comme ça c'est très bien. Et maintenant on tape dans ses mains. Qu'il soit temps ou plein d'insolence, on l'est. Maintenant, après Michel Pruvot, on écoute maintenant Carline qui va nous interpréter dans le bleu du ciel bleu. Carline. Quel rêve étrange je fais chaque nuit, mon chéri. Par la fenêtre, le ciel vient flâner sur mon lit. Puis il m'habille de bleu des pieds jusqu'à la tête. Et je me mets à voler tout comme une alouette. Je vole, oh, oh, je chante, oh, oh, oh, pareil au bleu du ciel bleu. Je trouve cela merveilleux. Et je vole, je vole, je vole plus loin que la mer à deux pas du soleil. Je découvre là-haut dans les airs un bonheur sans pareil. Et du ciel une douce musique me chante à l'oreille. Je vole. Cœur est heureux. Mais quand la lune se perd au bleu de l'horizon, les plus jolis de nos rêves avec elle s'en vont. Pourtant le mien continue quand le jour se dévoile. Et dans le bleu de tes yeux qui scintillent d'étoiles, je plus loin que la mer à deux pas du soleil. Je découvre ici-bas sur la terre un bonheur sans pareil.

Marie-Laurence, chantée par Bruno Clerc. Interprété par l'orchestre de Jackie Nogels. Thank you.

Et c'est Gina Oleg qui continue avec Vaya con Dios. La nuit bleue sur l'hacienda, la nuit légère, et soudain monte la voix d'une prière. Vaya con Dios, mon amour, que Dieu pense à toi, mon cœur. C'est le chant brûlant des mois d'une âme en peine. L'amour perdu là-bas, au fond des plaines. Vaya con Dios, mon amour, que Dieu pense à toi, mon cœur. Il va, et c'est l'amour qui l'accompagne. Il sait qu'une amoureuse prie d'abord. Le ciel. Dans le vent et ce frisson en l'encortège, il écoute la chanson qui le protège. Vaya con Dios, mon amour, que Dieu pense à toi, mon cœur. Dans le vent et ce frisson en l'encortège, il écoute la chanson qui le protège. Vaya con Dios, mon amour. Vaya con Dios, mi amour. Le village est endormi, la lune rêve. Mais pour lui, du fond des nuits, un chant s'élève. Il va et c'est l'amour qui l'accompagne. Il sait qu'une amoureuse brille là-bas. Et l'ombre douce encore de sa compagne. Et l'ombre douce lui redit tout bas, ne tremble pas. Dans le vent et ses frissons en l'encortège. Écoute la chanson qui le protège. Vaya con Dios, mon amour. Vaya con Dios, mi amor. Vaya con Dios, mon amour. Que Dieu pense à toi. La Paloma maintenant, avec l'orchestre de Jean Corti. Thank you. café, on les oublie, Pierre Dudon. On les connaît, on les aime. Chaque Parisien, un beau jour, en a pris et reprend toujours les mêmes. Mais quand viennent les vacances, il suffit de s'en aller. Dans la montagne ou l'agence nous dit qu'on fabrique du bon lait. On arrive que c'est beau, voilà les vaches, les veaux et les oiseaux. Les hôtels, les jardins, les prairies, les sapins, et chaque matin, on prend le café au lait, au lait, avec des gâteaux et des croissants chauds. Prendre le café au lait, au lait, à ce que ça peut être bon, non, non. Par la fenêtre, on entend les cloches des vaches dans les champs. Olé, olé, vive le café au lait. Dans la montagne, on entend les montagnards tout contents. Iodlé, olé, olé. Les petites femmes qui se promènent dans Paris, on les connaît, on les aime. Il suffit d'en voir une seule qui sourit pour aimer toujours les mêmes. Mais le hasard des vacances un jour peut nous faire cadeau d'une belle fille dont l'innocence vient partager notre dodo. Nous voilà bien au chaud, qu'il est bon, qu'il est beau, notre nid d'oiseau. On embête les voisins le soir quand tout s'éteint, et chaque matin, on prend le café au lait, au lit, avec des gâteaux et des croissants chauds. Prendre le café au lait, à ce que ça peut être bon, non, non, non. Par la fenêtre, on entend les cloches des vaches dans les champs. Olé, olé, vive le café au lait. Dans la montagne, on entend les montagnards tout contents. Iodlé, olé, olé. Et quand on rentre à Paris, on est encore un peu gris d'avoir trop pris de café. Où ça? Au lit. Jacques Dutailly, une boucle blonde. Un soir d'été au casino, l'enlaçant le temps d'une danse, je la remarquais aussitôt. Si j'admirais sa silhouette, son sourire et son émutin, je crois que je perdis la tête pour ce détail presque enfantin. Jacques Dutailly s'est atteint. On ne sait pas pourquoi. On va continuer quand même avec l'accordéon et puis un tango. Ce sera maintenant André Blot et Tristesse. Thank you. Et on continue l'accordéon avec cette fois-ci, ce soir, Coplas et Loulou Legrand. Dolores par Tony Gama. Là-bas, les ombres glissent dans la nuit. La taverne, c'est l'ambiance éteinte. Pourtant, on y rira jusqu'au matin. C'est la même chose tous les soirs. On sait la porte et vous allez savoir pourquoi les hommes au Chili ne sont pas dans leur lit. Il est s'y sont mis à deux, Gilles et Jean, et nous interprètent Adios, Adios. Quatorze heures cinquante-deux. Adios, adios, je ne t'oublierai jamais. Adios, adios, pour toujours je t'aimerai. Heureux moment, pouvoir rester près de toi. Oh, maintenant, il ferait bon sous ton doigt. Oublieras-tu ferveur de mon amour, comprendras-tu la tristesse de mes jours? Adios, adios, je ne t'oublierai jamais. Je chanterai sur la mer mon seul couplet toute la nuit. Parmi les flots déchaînés, l'espoir a fui et en sombrant, il a redit en pleurant. Adios, adios, je ne t'oublierai jamais. Adios, adios, pour toujours je t'aimerai. Heureux moment, pouvoir rester près de toi. Pour maintenant, il ferait bon sous ton toit. Oublieras-tu la ferveur de mon amour? Comprendras-tu la tristesse de mes jours? Adios, adios, je ne t'oublierai jamais. Je chanterai sur la mer mon seul couplet. Adios, adios. Henri Jossi, et ce sera Régine Lan. Lorsque descend le crépuscule, qui est trop jeune à contrebandier, qui rend derrière lui sa mule, chantant, montant dans les sentiers. Qui va piano, piano, piano, piano. Qui va piano, piano, piano, va sano. Qui va sano, sano, sano, sano, va lontano. Oh, bella Reginella, ce soir ma filanella te dira, cher amour, jusqu'à l'aurore, que je t'adore et bien plus encore et pour toujours. Oh, ma douce compagne, aux échos des montagnes, je livre ma chanson pour que la brise te la redise, qu'elle te grise de son frisson. Apercevant des campanules, grimpant le long d'un mur tout blanc, qui trop vient d'arrêter sa mule, solide avance tout tremblant. Qui va piano, piano, piano, piano, qui va piano, piano, piano, va sano, qui va sano, sano, sano, sano, va lontano. Oh, bella Regina, là, entends ma Villanella. Reginella paraît son fond rayonne. Ah oui, je crois que j'ai pas beaucoup de chance cet après-midi, ce sera peut-être mieux un autre jour. Le disque s'arrête, on ne sait pas pourquoi. On va continuer avec l'accordéon, puisque c'est ainsi. Et on va écouter maintenant Alexandra Paris, Chaud, Chaud. Ouais, si ça veut bien démarrer, ça ira. Eh bien, je crois que je manque terriblement de chance. Portugal, Portugal, je te dois ton dernier baiser, je le sais. Mon cœur au Portugal, si j'ai changé. À 15h01, pardon, c'est plus 14h, c'est 15h, les joyaux Beaucerons qui nous interprètent Madelino. Tes îles, Madelino. suis pas allé. Chez moi, mon île, c'est une ville. J'ai un fleuve et une rivière. Toi, c'est la mer. De chaque côté de tes îles, Madelino, Madelino, emmène-moi visiter tes îles. Dis-moi où est quand il faut prendre ce beau bateau. Combien de temps me faudra-t-il passer sur l'eau pour arriver jusqu'à tes îles, Madelino? Fort et très souvent, aussi que les gens sont toujours très accueillants. J'en connais peu, mais je les sais très chaleureux. S'ils sont comme toi, sans aucun doute qu'ils sont heureux, Madelino. Emmène-moi visiter tes îles. Dis-moi où est quand il faut prendre ce beau bateau. Combien de temps me faudra-t-il passer sur l'eau pour arriver jusqu'à tes îles, Madelino? Quelques plages et tes falaises ont des couleurs que je ne vois toujours qu'en rêve. J'aimerais bien les voir de plus près un beau jour. Et garde l'espoir que bientôt viendra mon tour, Madelino. Emmène-moi visiter tes îles. Dis-moi où est quand il faut prendre ce beau bateau. Combien de temps me faudra-t-il passer sur l'eau pour arriver jusqu'à tes îles? Thank you. Albert Barrel Polka. Gloria Lasso, L'étranger au paradis. Revient à l'accordéon avec Pascal Michaud et son ensemble. Pascal Michaud, dans mon village. Toi, béni sacré, la paix du village. C'était un hommage à Émile Prudhomme sur une valse à Mémile, interprétée par Pascal Michaud, Gloria Lasso et Malaguena. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decídete, niña hermosa. Interprète une viennoise. À Paris, à Madrid, à Rome, à Moscou, on trouve partout une femme à son goût. Oui, mais la plus jolie, pourquoi le cacher? C'est à Vienne que l'on vient la chercher. Une viennoise, une viennoise, c'est un produit en sorceleur qui tient du fruit et de la fleur. Une viennoise, une viennoise, par sa blondeur son teint vermeil, c'est un rayon de soleil. Quand on veut la séduire et gagner son cœur, il faut avant tout être un bon valseur. C'est pourquoi les Viennois, sans se lasser, nuit et jour apprennent à valser. Une viennoise, une viennoise, c'est un produit en sorceleur qui tient du fruit et de la fleur une viennoise, une viennoise. Par sa blondeur, son teint vermeil, c'est un rayon de J'attendrai Monsieur Tino Rossi. 15h23. Le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin, l'horloge tisse dès son traînard, je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, guettant ma porte, j'écoute en vain, hélas plus rien, plus rien. Dis-lui qu'il faut

Et on écoute maintenant Émile Prudhomme, et ce sera les compagnons du Beaujolais. On commence à avoir soif. On est prêt? Le Beaujolais nouveau est là? On l'attaque. Continue avec Émile Prudhomme et Chagouaï. Thank you. soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Candido, un de ses grands succès, le Taureau. Comme un torrent qui vient tout droit de la montagne et qui s'enfuit en bondissant parmi les champs, découvrant dans la campagne toutes les fleurs du printemps. Mon cœur tout neuf et descendu parmi la ville, gonflé d'amour et de bonheur à partager. Mais mon âme est moins tranquille depuis que j'ai tout quitté. Là-haut, tout est lumière. En bas, le torrent oublie bien vite sa montagne, et comme lui, suivant mon destin, je descends. Et de colline en campagne, j'ai perdu mon cœur d'enfant. Mes yeux tout neufs t'ont rencontré parmi la ville, et sans savoir, ils t'ont donné leur liberté. Je veux retrouver la vie douce, vivre avec toi dans la clarté de mes 20 ans, et remonter vers la source d'où jaillissent les printemps. Dans le silence des sapins blancs, tu connaîtras près du torrent mon cœur d'enfant. C'était Douce France par Émile Prudhomme. Et on continue avec Maria Candido et ce sera une valse viennoise. Eh bien, puisqu'on parle de Vienne, on va y rester avec François Fellmann. Ce sera les valses de Vienne. Thank you. Valogne maintenant avec Dominique Allan. J'ai reçu à Radio Arc-en-Ciel, sur Radio Arc-en-Ciel à l'époque. Sur Radio Arc-en-Ciel à l'époque, je précise bien. À 15h51, la pendule de Radio Arc-en-Ciel, je vous laisse en compagnie dans 10 minutes, même pas 10 minutes, je vous laisse en compagnie de RDP International, en direct du Portugal jusqu'à 16h30, puisque à 16h30, vous retrouverez notre ami Francky pour Afterwork. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve dimanche pour l'accordéon de nos régions et l'accordéon musette, de 13h à 15h30. Cette nuit, sous le ciel étoilé, je reviendrai près de toi si troublante les souvenirs de nos plus beaux cette nuit, sous le ciel étoilé, je reviendrai près de toi si troublante les souvenirs de nos plus beaux étés. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de dimanche, de 13h à 15h30, pour les accordéons de nos régions et accordéons musette. À moins que les ordres supérieurs arrivent, puis que la grille des programmes change. Pour l'instant, c'est comme ça. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine à tous et à toutes. Puis rendez-vous donc, on sera le mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3, samedi 4, dimanche 5. 5 juillet, eh oui, le temps passe. Je vous laisse en compagnie de Maria Candido pour terminer l'émission. Guignol aimait bien les enfants, riant autour de lui, mais il guettait le cœur battant, le doux sourire de Lily, et son amour se devinait quand il lui Te trouve.